jeudi le 30 juin aujourd'hui. Ici Dominique Lelièvre et les informations. D'abord, la clinique SABSA est sauvée, du moins pour le moment. C'est qu'un don anonyme de 130 000 $ est venu sauver la campagne de sociofinancement permettant d'atteindre l'objectif de 250 000 $. La coopérative, située dans la basse ville de Québec, sert une clientèle vulnérable de 1 600 personnes. Elle attend aussi, dans les prochains jours, une offre de financement du gouvernement. L'équipe d'infirmières accueille évidemment ce dénouement avec ce soulagement, comme l'explique Emmanuelle Lapointe, coordonnatrice. C'est une merveilleuse surprise d'avoir un donateur anonyme là, qui se manifestait à la fin de la campagne. Puis l'ouverture du ministère, c'est sûr que pour le moment, on attend toujours d'avoir la proposition là, écrite, mais en tout cas, c'est d'avoir une ouverture, c'est certain que nous, ça, on était bien contents de voir ça aussi. Ça nous laisse entrevoir justement la possibilité, en tout cas, de pouvoir fonctionner là, au moins pour la prochaine année. Puis éventuellement là, de se structurer aussi là, pour les autres années qui s'en viennent. On veut recommencer en septembre là, sans rendez-vous. On va prendre la période de l'été pour voir là, comment on va se réorganiser. Pour le moment, de toute façon, les personnes déjà inscrites chez nous, on a 1600 patients. On continue de les suivre là, sur rendez-vous. Cet appui du gouvernement qui est aussi inattendu que le don philanthropique, le ministre Gaétan Barrette ayant longtemps affirmé qu'il ne souhaitait pas créer une nouvelle structure dans le réseau malgré les résultats encourageants observés chez SABSA, reste que l'avenir à long terme de la coop demeure incertain puisque l'offre gouvernementale risque de ne pas couvrir l'ensemble de ses activités. Ça va être important de continuer à faire des campagnes de financement puis que la population continue de nous aider parce que présentement, en tout cas, la proposition du ministère paierait une partie des dépenses, mais pas tout. Donc, on va avoir besoin de chercher d'autres sources de financement. On est en train d'explorer différentes façons aussi. On a une consultante là, qui nous aide pour notre planification stratégique. Donc, c'est certain qu'on va en avoir d'autres. On va essayer de diversifier là, le plus possible aussi nos sources de financement. Toujours sur la scène régionale, la saison touristique est bien amorcée à Québec. Les visiteurs sont plus nombreux que par les années passées. Avec la baisse du dollar canadien, les Américains sont plus nombreux à venir et les Canadiens plus nombreux à rester de ce côté-ci de la frontière. Les données de l'Office du tourisme montrent une hausse de 20 % du nombre de touristes. Et enfin, scène nationale, maintenant, le gouvernement Trudeau franchit une étape en vue de la légalisation de la marijuana. C'était l'une de ses promesses électorales. Un groupe de travail sera formé et des consultations publiques annoncées sous peu. C'est l'ancienne ministre libérale Anne McLellan qui pilotera le groupe composé de 9 experts en santé publique et en toxicomanie. Et c'est ce qui complète ce bulletin d'information. C'était Dominique Lelièvre pour CKRL.